quand le soleil du printemps faisait fleurir mon cœur. Quand je courais dans les champs et que je cueillais des fleurs, parce que je me sentais bien. J'allais chez ma mémé, je lui apportais des bouquets. Ma mémé souriait de me voir aussi gai. Quand le soleil du printemps faisait fleurir mon cœur, quand je courais dans les champs et que je cueillais des fleurs, et ça sentait si bon dans sa grande maison. Pontal me préparait des petits plats que j'adorais. Quand le soleil du printemps faisait fleurir mon cœur, quand je courais dans les champs, que je cueillais des fleurs, cueillait des fleurs. Et puis ma mémé dans ses bras me portait, dans son lit me couchait, tout près d'elle je dormais. Quand le soleil du printemps faisait fleurir mon cœur, je courais dans les champs, que je cueillais des fleurs. Chanter tout ce bonheur passé et dire